بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجين أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه الكثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. Donc avant de commencer, يعني la combo musulmane يعني qui remercie beaucoup Allah Azza wa Jal et qu'il le loue يعني abondamment. Et comme يعني il a été évoqué dans le verset, وما بكم من نعمة فمن الله، يعني tout bienfait que la personne a, يعني c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui elle est l'unique source, que ce soit par le biais d'un serviteur ou autre, que ce soit des bienfaits qui soient apparents ou cachés. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'unique source. هَلْ مِنْ خَالِقِينَ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ. Y a-t-il un autre pourvoyeur en dehors d'Allah Azza wa Jal qui vous donne un risque? Non. فَالشُكْرْ نِعَمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَتَّحَتَّمْ وُجُوبَهَا عَلَى الْعِبَادِ لِأَنَّهُ مِنْ تَحْقِيقِ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. يعني le fait d'être reconnaissant et remercier Allah Azza wa Jal, c'est des choses qui sont impératives et qui sont très fortement qui sont obligatoires aux musulmans de se décharger, car ça fait partie de la consolidation du tawhid. فَمَنْ شَكَرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَدْ حَقَّقَ عِبَادَتَهُ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُهُ لَمْ يَكُونَ مُحَقِّقًا لِعِبَادَتِهِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ السَّعْدِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَالدَّلِيلُ celui qui remercier Allah Azza wa Jal, il a certes fortifié, ni par cela, ni l'adoration vouée à Allah Azza wa Jal, ni exclusivement. Et celui qui ne le fait pas, ni il a certes pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. قال Allah subhanahu wa ta'ala وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ. Et vouez exclusivement le remerciement à Allah Azza wa Jal si véritablement c'est lui que vous adorez. Donc il a lié le fait de le remercier à l'adoration. Donc cela nous prouve que le fait d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ça fait partie des choses qui complètent l'unicité. Tamam. فمن أراد أن يحقق التوحيد حق الله على العبيد تمام فعليه أن يعتني بالشكر والحمد لله عز وجل لأن النعم كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Et si vous mettez à dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous pouvez pas les dénombrer. Donc tous les jours on ne s'épanouit dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, donc on se doit d'être reconnaissant et pas être insouciant à cette grande base de la religion. وَنَعَمْ وَإِنَّ مِنْ أَهَمْ مَعَلَيْنَا مَعْشَ أَهْلُ السُنَّةِ أَنْ نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ لَهُوَ طَلَبَ الْعِلْمِ. Nous, أهل السنة, parmi les choses dont qui nous incombe de remercier Allah Azza wa Jal, c'est le fait qu'on s'instruit. Tamam. C'est une chose que nous on s'est différencié par rapport à beaucoup de firaq islamiques. Il y a beaucoup de personnes, comme c'est le cas des tablighines, da'wa bila ilm. Tamam. Wa ba'dhum ilm bila amal. Amma ahl sunnah, ils se sont différenciés des gens de la bid'a, en appliquant, en mettant en application leur science. Donc c'est une chose, une ni'ma qu'on se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika li'anna man عليكم السلام ورحمة الله. لأن من يرد الله بخيره يفقه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان الذي رواه مسلم يعني celui dont Allah subhanahu wa ta'ala veut un bien تمام il facilite la compréhension de la religion. Les ulama ils ont dit donc par compréhension inverse celui dont Allah subhanahu wa ta'ala il veut pas un bien il le prive la compréhension de la science ou il le laisse dans son ignorance et pire encore il lui rajoute de l'ignorance à son ignorance c'est-à-dire qu'il est ignorant et c'est pas qu'il est ignorant comme c'est le cas des النصارى ومن تشبه بينهم comme les tablighis ceux qui ils pensent qu'il y en a par ces œuvres-là ils sont en train de faire un grand khair pour l'islam mais en vérité comme Allah subhanahu wa ta'ala كل هؤنبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ne vous ai-je pas informé des personnes les plus égarées, ceux qui pensent qu'ils sont dans la bonne voie, en vérité, ils ne le savent pas. Traduction approximative. وكذلك celui qui sait et qui n'œuvre pas, comme c'est le cas des Yahoud. Ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'œuvrent pas du bien. Ils n'œuvrent pas du bien. Que ce soit la personne qui œuvre sans science ou qui n'œuvre pas après que la science lui est venue. Ça, c'est des gens à qui la science n'est pas profitable et à qui elle a été privée. Ils ont été privés de la science. كَمَا هِيَ الْآيَةُ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ الْأَسْفَارَ. Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé les Yahoud, ceux qui avaient de la science et qui n'ont pas appliqué. وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ. Ils disent en gros, c'est les Yahoud. Ceux qui n'ont pas fait suivre la science ou l'application à leur science. وكذلك هنا هش سينفع المر en quoi la science lui est profitable si jamais il l'applique pas. S'il l'applique pas. Nous on se doit. Ces rappels-là ils sont bons parce que des fois on apprend, on cumule, on s'assoit beaucoup. Avec Cheikh, tous les jours, après le salawat, on a des durous et ces durous-là ils appellent à ce qu'on mette en application. Donc c'est bon de se rappeler par rapport à ça. Car comme قال أهل الحديث Zakat al-ilm al-amal. Comme l'argent, quand on te donne l'argent, après un moment, tu as une somme, t'es imposable, dans le sens où tu donnes la zakat, kaza al-ilm. Lorsque tu as de la science, il faut que tu appliques. Il faut que tu appliques, sinon, ça deviendra une hujja alayna lanana. Tamam? Ça sera un argument contre nous, et pas pour nous. Et ce ne sera pas profitable, kaza al-ilm. Tamam? Fa idha an'am Allah subhanahu wa ta'ala alayka ayyuhal muslim, بفهم الدين فعليه إيش بكثرة الدعاء والشكر. Parce que comme il a dit dans le hadith, من يريد الله به خيرا. C'est Allah سبحانه وتعالى qui te veut bien. Et كذلك on استفاد de cela, on profite que c'est pas la personne si elle atteint un niveau dans la science, c'est pas par ses acquis. C'est parce qu'Allah سبحانه وتعالى il lui a voulu un bien. Donc ça veut dire qu'il doit être, la personne doit être modeste et reconnaître le bienfait d'Allah سبحانه وتعالى sur lui. Tamam. Parce que c'est Allah qui lui veut ce bien-là. C'est pas lui qui, certes, il a fait les causes et tout ça, peut-être, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui veut le bien. Man yuridillahu bihi khayra. C'est pas toi, ni par ton intelligence, ni par tes efforts, ni Allah subhanahu wa ta'ala qui te veut un bien, et en sachant ce qu'il y a de bon dans ton cœur, il te donne cette science-là. Donc ça nous appelle à faire beaucoup de dua, parce que ce bien-là, il est entre les mains d'Allah azawajal. Celui qui veut, à qui il veut subhanahu wa ta'ala donner la science est entre ses mains, et c'est lui qui la donne à qui il veut. Donc ça nous pousse à revenir plus à Allah Azza wa Jal et à savoir qu'on est faible. Sans ça, sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne pouvez pas excepter si Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, il le veut. وَكَذَلِكَ celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a la facilité, comme c'est le cas d'Ahl al-Sunnah, وَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ عَلَيْهِمْ. Le fait qu'il s'efforce et ses vertus à étudier, il faut qu'ils sachent qu'Azalika, qu'ils sont en train d'emprunter un chemin par lequel ils vont voir le paradis qui va être facilité. Comme déjà fait le hadith, à Nabi Huraira, à Nabi Sassam Kal, Man salaka tariqan, yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Celui qui emprunte une voie pour rechercher la science, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faciliter l'accès au paradis. Et il y a un autre hadith qui nous a rapporté par Anas ibn Malik qui nous dit qu'il y a huffatil janna bil makari. Le janna, il est, comment on pourrait dire ça, il est rempli de shahwat et de choses qui sont difficiles. Al janna, parce que le janna c'est la haute demeure. avant d'arriver au Jannah, yani, tu es obligé, yani, tu vas te faire réprouver, tu vois. Parce que tu ne veux pas rentrer au Jannah comme ça. Yani, si la demeure, yani, comme Allah subhanahu wa ta'ala, mahasibatum an tadkhul Jannah, wa lam ya'tikum mathal alladhina khalaw min qablikum, massatkum al-ba'sa wa darra wa zulzilu ila akhirih. Yani, le Jannah, avant de rentrer, la personne, il faut que vraiment la khair. Il est recouvert. Il est recouvert, yarhamukallah. Yani, le Jannah, il est recouvert, yani, de makari, yani, que ce soit parmi les shahawat ou les shubuhat, yani, il est recouvert. Donc, at-talib al-ilm, lorsqu'il prend ce chemin-là, yani, c'est-à-dire la science, il se voit faciliter yani, ces épreuves-là. Pourquoi ? Parce qu'avec la science, il va repousser shubuhat, et kazalika, avec la science, ça va le pousser à être yani, patient face aux difficultés, et kazalika, face aux shahawat. Tamam ? Enfin, celui qui prend cette voie-là, il va Allah subhanahu wa ta'ala, il va les faciliter. Yani, l'accès et la vie d'ici-bas. Amma, celui qui ne prend pas cette voie qui est la science, certes, peut-être, il y a d'autres turuq pour entrer au Jannah, mais ces turuq-là, yani, ils sont un peu plus durs que celui qui prend le chemin de la science. Comme le Prophète, sahhalallahu lahu bihi tariqan lil Jannah. Allah, il va lui faciliter par le biais de la science l'accès au Jannah. Et wa ma'ruf, an-nas, wa nafs, yani, ammaratun bisu. C'est-à-dire, si jamais la personne, elle n'éduque pas sa personne, son nafs, il va peut-être prendre le dessus sur lui. Parce qu'elle est là en penchant vers quoi ? Vers le mal. Inna an-nafs la ammaratun bisu. C'est-à-dire que si ce chemin-là, là, que tu es en train d'emprunter pour aller au paradis, il est recouvert de shahawat ou shubuhat, et tu ne fais pas l'effort de t'éduquer, de prendre la science et t'instruire, il y en a à tout moment, tu peux dévier de ce chemin-là, que ce soit yani, par la une déviation par shahwat ou bien ash-shubuhat. Donc ça nous montre une ahamiya ani at-talab al-ilm, et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala si jamais la personne se voit yani se voit emprunter ce chemin là qui remercie Allah azza wa jalla kathiran wa kadhalika yani mimma yani natawasa bih c'est l'ikhlas tamam al-ikhlas fi at-talab al-ilm car il est venu un hadith rapporté par Abu Dawud wa sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala il nous dit an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man talab al-ilm لغرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Celui qui a étudié pour une intention autre que al-jannah, une intention autre que Allah subhanahu wa ta'ala, yani il trouvera pas l'odeur du paradis yom al-qiyamah. Donc ça nous prouve yani et ça nous montre et ça nous exhorte, ça nous pousse à ce qu'on soit yani mukhlisin dans talab al-ilm. Tamam? Mukhlisin dans talab al-ilm. Et parmi les choses qui sont le plus important à commencer dans talab al-ilm, surtout lorsqu'on débute, c'est l'oral arabia. C'est l'oral arabia, li'anna ad-din kulluhu bil-oral arabia. Donc celui qui veut se préoccuper de connaître sa religion, il doit faire précéder cela à la compréhension de l'arabe. Parce que la religion, elle est tout entière en arabe. Tamam? Wa kadhalika yani binisbat al-hadith man yuridu lahu bi khayra yufaqqihu fi ad-din. Ça veut dire que si jamais la personne sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite la compréhension de cette science-là, du din, lui aussi, katalika, il faut qu'il prenne l'asbab pour ça. Il faut qu'il fasse les causes pour cela, c'est-à-dire, yani, commencer, mathalan, par la langue arabe. Parce que c'est un sabab, min al-asbab allati, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'alaka, yani, fahiman, wa mutafaqihan fi din. Tamam? Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna ja'annahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Donc ça nous montre l'importance de connaître l'arabe, parce que l'arabe, yani, ou la compréhension de cette religion repose sur la compréhension de l'arabe. Tamam? Fa fahm hadha ad-din bi fahm hadhihi al-lugha ash-sharifa kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Yani, la compréhension de cette religion passe par la compréhension de l'arabe. Wa as-salaf as-salih, ils étaient chadid, et kadhalika, ils exhortaient beaucoup à ce que les gens, yani, ils ne fassent, on ne va pas dire qu'ils apprennent l'arabe, parce que c'était la plupart des arabes. Lakin, qui fasse attention à ne pas faire de l'ahm, je ne sais pas comment on prononce ça en français. De parler correctement. Sans faire d'erreur, quand même. Yani, en mettant la damma là où se doit, la fatha là où se doit, ils étaient chadides par rapport à ça. Hatta yani kana ibn Umar yadrib awladahu ala al-lahm. Lorsqu'ils voyaient qu'ils parlaient mal ou qu'ils faisaient des fautes de grammaire, ils les éduquaient. Tamam. Ça nous montre qu'ils yani, n'aimaient pas ces choses-là. Et nous, par le la grammaire surtout, le but et le fruit du nahmo, c'est d'éviter de faire des erreurs yani dans lorsqu'on parle ou bien lorsqu'on écrit. Comme ils disent, yani siyanatu al-lisan wal qalam min al-akhta. C'est le fait que ça te préserve yani de faire des erreurs, que ce soit yani oralement ou à l'écrit. C'est-à-dire, le nahmo, comme c'est ma'ruf, c'est akhir al-kalima. C'est sarf. Nous, le nahou, là, on va regarder c'est quoi. Yani, akhir al-kalima. Yani, pourquoi de temps en temps ça se finit par une damma, pourquoi de temps en temps ça se finit par une fatha, pourquoi c'est une kasara, yani, c'est quoi les causes qui font qu'à chaque fois la fin de la kalima yani, change. Ça, c'est l'ilm al-nahou. Lorsque tu étudies le nahou, c'est pour que yani, tu te préserves de faire des fautes fi akhir al-kalima, à la fin de la kalima, pour que tu évites de faire des fautes. وكذلك كان كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الفيد يعني أن المر يعني يتعلم اللغة العربية به يتشابه بالأولين يعني في par ce biais-là نعم s'identifier au salaf salih et dit le fait que toi tu t'identifies à ces personnes-là يعني ça va te donner de la comment ça s'appelle ça va t'accroître يعني au niveau de ton comportement au niveau de ton dîn parce que le fait que tu parles comme eux ça va te pousser inshallah à être comme eux كذلك à faire comme ils ont fait, et eux, ma'louf, yani, c'était ashab al-khuluq, ashab al-diyana, ashab al-taqqul, c'était des gens qui raisonnaient, c'était des gens qui étaient pieux et dévoués, et qui avaient un bon comportement. Donc il dit, ça c'est un biais qui va te pousser à être comme, yani, salaf al-salih. Wa min al-nukat, yani, ibn Umar, ou Umar ibn al-Khattab, naham, radiyallahu ta'anhu, tellement il était chadid par rapport à ça, sur le fait qu'il y avait les lahan, il n'aimait pas les gens qui faisaient des erreurs. Une fois, il a vu un peuple, yani, كانوا يرمون يعني بالسهم. تمام؟ لكن ما كانوا يحسنون السهم، ما كانوا يعني يحسنون الرمي. يعني lorsqu'il tirait avec justement l'arc, يعني ils n'arrivaient pas à viser l'objectif. فقال ابن فقال عمر يعني ما أقبح رميكم. يعني en gros, votre tir, il est vraiment naze. On pourrait dire. Il est vraiment pas, c'est pas ça. Ils ont dit إنما نحن متعلمين. Il a dit وعربيتكم أقبح من ذلك. En gros, lorsqu'il a vu que ils ont tiré avec l'arc, ils n'arrivaient pas à toucher l'objectif, il a dit vraiment vous savez pas tirer. Ils ont dit quoi? نحن متعلمين. C'est une khata. Normalement tu dis نحن متعلمون. Tu vois? Ils ont fait une faute. Il a dit votre arabia elle est encore. Plus éclatée que votre tir. La vasbihi amma votre arabia elle est encore plus loin que la flèche que vous avez envoyée à l'instant. Tu vois? Donc ça c'est pour nous montrer, yani, il faut, inshallah, بلغة العربية وكذلك التكلم. تمام? التكلم يعين. Le fait que, lorsque tu apprends, tu mets en application, كذلك. L'arabia, c'est quoi? Ça nous appelle à mettre en application, c'est-à-dire à savoir bien écrire, et كذلك à savoir bien parler. Et surtout le parler, ça va nous aider à se rectifier. Et la personne au début, peut-être elle va faire des fautes. T'as? Mais ces fautes-là, il ne faut pas que ça le pousse à pas parler. Tu vois? Et كذلك يعني التعاون. Tu vois? Si jamais il voit la personne a fait des erreurs, il rigole pas sur son frère. Tu vois? Ah, oh, t'as mis une dame mal à cause de cette hakadakada, parce que peut-être il va pas vouloir parler après. Il va se dire, oh, il rigole que sur moi, parce que ça arrive. C'est un exemple, il y en a qui est concret. Certains des frères à l'Argentin, ils rigolaient sur les autres. Et à la fin, le frère, il voulait plus parler, tu vois. Il avait plus le courage de parler, il se dit, bon, j'ai balancé une phrase, halas. Ils vont tous rigoler sur moi, kabakala. Et à la fin, ils profitent pas, tu vois. Donc, il faut un ta'awun par rapport à Zaleka. Elle a dit, yurte, ça, oui, t'as cool, yani, là, kana swab, kada, wakada, ou intahina. Tu vois. Fait, inshallah, nabda fi dars. N'am, nasina shay'an. Yani, hukm, at-ta'allum, al-arabiya. C'est quoi le jugement quant au fait de s'instruire ou bien d'apprendre al-arabiya? Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit du fait que yani, la religion elle nous est imposée, yani, le fait de s'inscrire dans la religion, c'est une chose qui est imposée. Comme a dit le hadith, il est da'if, lakin ittafaqa 'alayhi al-'ulama. Talab al-'ilm fariidatun 'ala kulli muslimin. Même si le hadith est da'if, comme a dit l'imam Ibn Abd al-Barr fi Jami' Fadl al-'ilm wa bayanih, il dit le hadith, il est pas authentique, mais les ulama sont tous unanimes que yani il incombe à toute personne yani musulmane qu'il apprenne sa religion. Et il nous dit, le fait d'apprendre sa religion, c'est un wajib. Cette religion-là, tu peux la comprendre et tu peux t'instruire dans cette religion que par le biais de l'arabe. Et il y a une qa'ida qui est ma'ruf, عند الأصوليين, ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. C'est-à-dire, là, si l'obligation passe par une chose, cette chose-là, et tu ne peux pas atteindre cette obligation que par cette chose-là, ce biais-là ou ce moyen-là, il va devenir une obligation telle que yani, la chose que toi tu vas apprendre. Ma lam yatim al wajib illa bihi fa huwa wajib. Donc il nous dit apprendre l'arabe, yani ta'allum al arabiya wajib. Ba'da thalika al wajib ma'ruf yanqasim ila qismayn. wajib fard yani kifai selon la suffisance, wa wajib yani aini qui est imposable yani à l'individuel yani pour toute personne comme مثلا الصلوات والتوحيد الى اخره. فاللغه العربيه الذي يريد ان يكون مجتهدا, c'est-à-dire celui qui a la possibilité de déduire yani par sa propre personne yani des règles dans la religion. تمام الذي يريد يعني ان يصل هذه المرتبه في كيف arriver à ce niveau là واجب عليه يعني يتعلم النحو والاشياء التي يعني يجعله يعني مجتهدا يعني toutes les choses qui vont le permettre d'être مجتهد ça devient يعني obligatoire et parmi cela l'arabe اللغه العربيه ولا سيما النحو كما قال الاخ الشيخ سعد دعاس رحمه الله تعالى انه زي النحو الذي يريد ان يكون مجتهدا يعني يتحقق عليه ان يتعلمه. Celui qui veut devenir un mujtahid, il est obligé d'apprendre le nahou. Parce que l'oral arabia, tu as le sarf, tu as le nahou. Le sarf, ce n'est pas une chose pour laquelle yani, la personne devient un mujtahidan. Celui qui connaît la baisse, mais ce n'est pas un truc qui va... Si jamais tu le connais, c'est bien. Si tu ne le connais pas, ça ne va pas t'enlever ce titre de mujtahid. Ce n'est pas une chose qui va te mettre des barrières pour être mujtahid. Amma nahou la buddamin. Amma nahou la buddamin. كذلك معرفة المفردات le fait d'avoir du vocabulaire تمام ça c'est par كذلك parce que la personne ne peut pas faire des jugements sur مثلا un حكم alors qu'elle sait même pas aslan yani qu'est-ce que ça veut dire ça yani comment il peut avoir un jugement sur une chose alors qu'il la comprend pas yani le vocabulaire كذلك ça c'est من أهم الأشياء yani ça yani celui qui veut devenir mujtahid il est obligé de connaître cette chose là اما celui qui a pas l'ambition d'être devenir mujtahid malgré que inchallah yani on a tous cette ambition là inchallah يعني ça devient ايش far kifai, c'est-à-dire que celui qui n'apprend pas l'oral arabia ou qui la comprend ou il comprend son dîn par une loi autre que l'arabia يعني يوم القيامة إن شاء الله il sera on va pas le réprimander pourquoi t'as pas appris l'oral arabia dans le fait يعني qu'il a il a réussi à comment s'appelle à mettre en application sa religion même si jamais c'est par un biais autre que l'arabe il a mis en application sa science sa religion. Le but c'est de mettre en application la religion. Mais comme c'est ma'ruf, comme il y a dit dans l'aya, inna ja'alna Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. C'est-à-dire le raisonnement, il se fait par l'arabia. Tu ne peux pas trouver un raisonnement autre, yani de manière parfaite, que par l'aura arabia. Même si jamais tu peux avoir une compréhension approximative de la religion par une aura autre que l'arabe, amma l'arabia, la mithla laha, abedan. Elle n'a pas de semblable. Tamam. Fait, yani, pour ces personnes-là, c'est far kifai. C'est selon la suffisance. Tamam. Ça j'avais oublié, inshallah. C'est important. قال المؤلف وفقه الله وإيانا قال هذا. Dès que le premier dars là, يعني يتعلق يعني باسم الإشارة باسم الإشارة. اسم الإشارة يعني prénom المتصرف ça. والاسم الإشارة هو ما دل على معين بواسطة إشارة. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ce qui indique une chose bien particulière. Et comment tu l'indiques cette chose-là? En la démontrant. Par le biais du fait de démontrer. Par une ishara qui peut être hissiya, c'est-à-dire par la main, par un bâton. Ou bien ma'nawiya, une chose que tu ne vois pas. Tu dis, هذا فكر جيد. Une personne t'a proposé une chose. Tu dis, نعم طيب هذا. هذا فكر جيد. Est-ce que lorsque tu as dit هذا, tu as démontré une chose qui se voit? Non. C'est une chose qui est abstraite. C'est-à-dire, yani ismul ishara, tu peux l'utiliser pour les choses abstraites et les choses qui sont concrètes. Les choses qui sont concrètes. C'est quoi sa définition? Wa ma dalla ala muta'ayyan bi wasitati al-ishara. Donc, ma dalla, c'est ce qui indique. Ala muta'ayyan, une chose bien précise. Dalla, c'est indiqué. Indiqué. Ma dalla. Yani c'est ce qui indique, ou ce qui me permet d'indiquer, ala muta'ayyin, yani une chose qui est bien précise. Biwasitati al-ishara. Par le moyen de ishara, yani le fait que tu montres. Parce que lorsque tu montres une chose, yani bien précise. C'est pas une probabilité. Tamam. Wa hadhi al-ishara. Tamam. Hadhi al-ishara. Qad takun. معنويا أو حسيا يعني معنويا c'est-à-dire une chose qui est concrète abstraite عكس ومعنوي و حسيا c'est une chose que tu vois. Ça peut être ça ou ça. تمام والإشارة قد تكون حسيا أو معنوية إيش معنى هذا الكلام الإشارة قد عرفناها تمام يعني الفيد مونتري قد تكون أ peut-être أ peut يعني être حسيا c'est-à-dire concrète une chose que tu vois que tu aperçois أو معنوية une chose qui est abstraite que tu vois pas مثلا lorsque tu dis هذا فكر جيد لمن قال لك أنذهب نتعلم عند فلان مثلا Allons, apprendre chez Foulan, tu lui dis, هذا فكر جيد. C'est une bonne idée. Lorsque tu dis ça, c'est une bonne idée, يعني هذا فكر جيد, أنت الآن استخدمت إيش؟ اسم الإشارة. لكن هل أشرت بيدك؟ أو أشرت يعني بشيء؟ لا. يعني الآن, tu es en train de démontrer sur, يعني que son point de vue, il est bon. Mais tu n'as pas utilisé pour cela ta main ou bien un bâton ou ceci, cela. Et ça peut être une chose qui est concrète ou abstraite. Dans la définition. اسم الإشارة. للقريب. نعم للقريب نسيت هذا تمشي معك فإذا يعني لما أقول هذا فكر جيد الآن أشرت إلى شيء هل هو حسي أو معنوي est-ce que c'est une chose abstraite ou bien c'est une chose concrète هذا فكر جيد لا جد هذا صح اسم إشارة معنوي c'est une chose qu'on voit pas تمام هذا يعني هذا قلم حسيا يعني الآن شو أدخل de te montrer une chose tamam, qui est concrète, qu'on voit et tout ça. C'est ça le معنى, حسياً أو معنوياً. تمام. وكما قال الأخ ويستخدم للقريب. يعني lorsque tu utilises... En fait, je vais me faire voir. À chaque fois, j'oublie. يعني الآن, lorsque l'on dit اسم إشارة إلى آخره, tout ça, يعني, c'est en rapport à quoi? À ذا. تمام. هذا, c'est composé de deux choses. ها التنبيه تمام وذا الاسم الإشارة منهما سذا سبا هذا سبا الها لها لا نوت فونكسيون تمام التنبيه للتنبيه يعني تزيد له تنبيه لمن مثلا يعني متغفل يعني عن الشيء الذي أنت تريد أن تشير إليه تريد يعني ينتبه تقول ها ذا يعني حتى هو ينتبه أما مثلا تبدي ذا قلم مثلا الواحد إذا كان متنبها لكلامك إلى attentif à ce que tu lui dis tu peux dans l'arabe tu veux dire ذا قلم أو ذا فكر جيد تمام أما الذي مثلا متغفل عن الكلام أو مثلا تريد أن يعني يزيد له انتباها tu veux qu'il soit beaucoup plus attentif يعني tu viens tu utilises le ها هذا يعني la personne lorsque tu vas dire ها son cerveau son esprit va être captivé par la chose que tu es en train de lui montrer ou bien sur le discours sur lequel tu veux يعني comment ça s'appelle يعني tourne autour فالاسم الإشارة من هذا سلذا تمام c'est pas الها والها للتنبيه on va y venir inshallah وكما قال الأخ يعني ذا هنا للقريب يعني la شيء qui est قريب après c'est quoi la norme à partir de quel moment c'est قريب à partir de quel moment c'est بعيد est-ce qu'après 5 mètres c'est قريب après 10 mètres c'est ça inshallah يعني للعرف يعني la chose qui est connue qui est proche tu utilises هذا la chose qui est connue pour être loin يعني pour démontrer une chose qui est connue pour dire que cette chose là elle est lointaine tu diras يعني une autre chose qu'on va voir inshallah ذاك أو ذلك تمام أما يعني بعضهم est-ce que c'est 5 mètres 10 mètres 30 mètres tu vois c'est un peu du rouleau tu vois c'est l'urf tu vois c'est selon la coutume une chose qui est connue pour être proche tu dis هذا une chose qui est connue pour être loin tu dis ذلك أو ذاك تمام تمام يعني زيدوا على التعريف للقريب pour une chose يعني qui est proche تمام مثل ذا تمام lorsque vous commencez le ذا entre parenthèses يعني تعرفه اسم إشارة تمام هو ما دل على متعين بواسطة إشارة والإشارة قد تكون حسيا أو معنويا ويستخدم للقريب ويستخدم il est utilisé pour La proximité. الشيء القريب. هل يجوز أن يقال لله عز وجل هو شيء؟ ها؟ ها؟ الله معنا بالعلم. الله؟ معنا بالعلم. إيه. لكن السؤال الآن هل يجوز أن يطلق على الله ويقال ويعني ويخبر عنه أنه شيء؟ C'est une chose. Lui-même se définit comme une chose. Pas défini, mais qu'on emploie ou yani, le mot chose pour Allah Azza wa Jal. Tamam, yajouz. La yajouz. C'est quoi, tu dis choses pour Allah? Tu dis Allah c'est une chose, yani Allah shay. Ah. Yajouz. يجوز والدليل قوله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل حتى الشيخ il avait dit c'est ça fait partie des sifat mais c'est pas une sifat une chose tu peux يعني تخبر به تمام يعني sifat c'est une chose c'est un caractère c'est un qualificatif اسم إشارة Donc on a dit madalla ala al-muta'ayyin bi wasitati al-ishara wa al-ishara qad takun hissiyya aw ma'nawiyya wa yustakhdam al-ism al-ishara dha lil-qarib lil al-ba'id dha lil al-qarib yani pour la chose qui est proche tamam wa al-ha li tanbih yani ma yani wadhifatuhu lamma yakun yani mudafan ma'a al-ha yani ziyadatu intibah tamam wa al-ha Donc, هذا نعم حرف تنبيه حرف تنبيه تمام الاسم الإشارة comme on a pu le voir c'est pas ça l'ism ishara c'est pas le tout hein اسم إشارة dans هذا c'est ça ذا تمام c'est quoi donc la fonction la je sais pas comment dire ça la كل حال وظيفته C'est quoi sa fonction dans de ha lorsqu'il est annexé avec le za? Sa fonction c'est quoi? Le tanbih, harf tanbih. Le tanbih pour appuyer pour tirer l'attention, attirer l'attention sur la chose sur laquelle tu es en train de démontrer. Hada مثلا قمامه, هذه قمامه plutôt. فيكون المعنى للتنبيه هنا اذا كان مثلا الشخص الذي انت تخاطبه متغفلا أو غافلا عما تقول. إيش هذا خاطبه؟ خاطبه، tu es en train de avec qui tu es en train de parler. تمام؟ lorsque tu es en train de lui parler, il est pas, il est insouciant à ce que tu es en train de dire. Il est مشغول par une autre chose. Tu veux lui tirer là, tu veux lui attirer son attention sur une chose. Tu lui dis هذا كذا كذا كذا. Tu vois؟ مثلا et si jamais la personne, elle est avec toi dans le discours, elle est attentive à ce que tu dis, تمام؟ et tu utilises quand même هذا Ça c'est pour rajouter à ce qu'il soit attentif. Il est attentif et tu veux le rajouter. Donc dans deux cas, la personne peut dire, donc la personne qui est attentive à ce que je dis, c'est-à-dire est-ce que je dois pas utiliser le ha, j'utilise juste da parce que la personne est attentive, parce que tanbi. Si les deux, tu peux utiliser les deux. Qu'elle soit inattentif ou que soit attentif. Non, c'est un autre hal. C'est un autre harf. فالتنبيه هنا إما لمن يعني كان يعني غافلا عما تقول أو يعني لزيادة التنبه لمن كان متنبها ونكتب سبا مالتا فالتنبيه يكون على ما تشير له إليه إما لشخص كان غافلا عن كلامك أو متنبها تريد أن يزداد انتباؤه لكلامك Donc, il y a sa fonction, وظيفته, يكون لهذا ولهذا. Une personne qui n'était pas attentive, tu veux qu'il prenne attention. Une personne qui est attentive, mais tu veux qu'il soit plus attentif. اسم إشارة وما دل على متعين بواسطة الإشارة. تمام؟ ثم on avait dit quoi? وقد تكون الإشارة حسيا أو معنويا ويستخدم للقريب. Là, quand j'ai marqué ويستخدم للقريب, ويستخدم للمفرد المذكر القريب تمام على على فان كون جافي دي ويستخدم او شي بيكون ici تمام على بلاص دو ماركي للقريب vous mettez للمفرد المذكر القريب c'est-à-dire singulier masculin تمام ذاك الاخر ها لذا هنا كما قالوا للمفرد singulier مذكر masculin قريب proximité ou proche تمام c'est-à-dire qu'une femme tu peux pas utiliser ذا pour une femme ah tu peux utiliser pour une femme pourquoi مذكر bon masculin on va voir ذي تمام ذي Parce que le ha, les tanbih. Nous on parle du ism ishara en lui-même. Tout ça, ça s'appelle pas ism ishara. Ah ben ism ishara, ha, harf tanbih. Fa mufrad, tu peux utiliser ça pour un al-jama' ou là al-muthanna. Yani personnes qui sont deux personnes, tu peux pas dire maintenant yani hadha rajulan. وكذلك بارك الله فيكم قول جمع هذا رجال هذا رجل هذان رجلان وهؤلاء رجال تمام اما ذا رجال لا وذا رجالا لا خلاص ان شاء الله سي بون اون لي او ليجي chacun il lit trois lignes. Vas-y, Boukhaïs. Commence-moi. Chacun les trois mots. Ma baytun. Ma ma'na baytun. Maison. Lima za huna, yani, istakhdama za. Pourquoi il a utilisé za là? Pourquoi il n'a pas dit hadihi? Bayt billah ala arabia, c'est muzakkar. Tamam? Wa kadhalika, n'am, pourquoi il n'a pas dit, mathalan, هذه البيوت مفرد يا كان بيت تمام هذا بيت زين هذا مسجد تمام هذا باب يعني كل هذه الاشياء الان اشار الى هذه الاشياء وكلها ايش مفرده وكلها مذكر وكلها ايش اسمه قريبه كل هذه الاشياء قريبه وكلها يعني يستخدم للمذكر والمفرد تفضل هذا كتاب تمام هذا قلم تمام هذا مفتاح مفتاح مفتاح جيد في البداية أنا أنصحكم مثلا في المدود أن تزيد فيه لأن إذا زيدت فيه إذا نقصت ما زلت يعني في المد أما إذا نقصت من البداية ثم نقصت بعد ذلك فيكون منقص. يعني lorsque tu commences au début mais allonge يعني vraiment fais une مبالغة une demi journée. هذا مفتاح. أحسن. Comme ça lorsque tu vas bien le prononcer tu vas plus faire cet allongement. Mais tu le prononceras bien. هذا مفتاح. Tu vas bien le prononcer. أما dès le début مفتاح. Après حتى التاء peut-être qu'il va sauter avec. حتى لو تكتب إيه ممكن ما تكتب الياء نعم الألف تكون تكتب مفتاح بدون الألف مفتاح هذا يعني يزيد ماشي تفضل هذا مكتب شو كل مكتب كل الكلمات مو ترجمة تخدير تخدير هذا سرير هذا كرسي نعم كرسي كذلك شد كذلك شدة تمام أنصحكم شددوا فيها تمام شد هذا كرسي كرسي خمسة إن شاء الله والتمرين عليكم تمام التمرين عليكم lorsque c'est écrit تمرين exercice اسمعنا تمرين c'est exercice qui doit être fait إن شاء الله يعني pour demain تمام donc c'est quoi le but de l'exercice il dit ما هذا et toi tu dis هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا تمام قال ما هذا seconde leçon au deuxième partie du cours il a rajouté huna ma ma huna c'est ism istifham ism istifham ism istifham yani ايش معنى istifham yani interrogation interrogative je peux comprendre afin que tu comprennes yani tastafhim yani لما يقول ما هذا الان انت تستفهم يعني ايش هذا يعني c'est quoi cette chose là تمام interrogative je peux comprendre فالما هنا يسمى اسم تمام الاخر الان il a demandé يعني c'est quoi la fonction de ماذا تمام قلنا يعني في البداية on dit هذا بيت يعني cette chose là il sait ce que c'est il démontre il dit هذا بيت وهذا كذا وهذا كذا الان il dit ما هذا c'est-à-dire la chose qu'il est en train de démontrer il sait pas qu'est-ce que c'est il demande ما تمام فأما هنا تعريفه لا عرفه اسم استفهام مستفهام pronom d'interrogation les غير العالم pour le, ceux qui sont dépourvus de science. تمام هذا هو اسم استفهام لغير عالم. Pourquoi? Parce qu'il est déjà venu un hadith, ça peut être utilisé aussi qu'à dans les cas للعالم. والدليل حديث عمر ابن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنت قد استخدم على الخلاف فيه يا خلاف هو الواقع كما لو كان الإمام النووي رحمه الله تعالى للعالم بس كنا جيكوا تعريف الما هنا اسم استفهام لغير عالم بعضهم قالوا وقد يستخدم tu peux aussi l'employer وفي خلاف فيه يعني divergence للعالم تمام والدليل على ذلك حديث ابن عبسة حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم dans lequel il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala lahu ma anta la pas dit man anta Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala ma anta non Amr ibn Abasa faqala lahu ma anta annahu qala yani annahu l'hai yarji' ila Amr ibn Abasa huna annahu yani huwa faqala lahu sallallahu alayhi wa sallam anna nabi yani shahid huna c'est pour ça que j'ai écrit vite fait à la fin tamam ce qu'on doit retenir c'est ici là ma anta ma qala man anta il a dit ma anta ma anta faqala anna nabi anna nabi ونحن في البداية قلنا لغير العالم تمام فقالوا قد وقد استخدم يعني الأصل c'est que maintenant tu l'utilises لغير عالم تمام لكن ها la généralité c'est que tu utilises pour لغير عالم لكن قد يخرج عن القاعدة فيستخدم ليش للعالم tu peux utiliser pour quelqu'un qui est doué de science والحديث والدليل على ذلك الحديث ما أنت لا pas dit من أنت لكن اش قال النووي قال لا ما يستخدم لغير عالم بس ولا يستخدم لغير اسمه للعالم قلنا له كيف تقول هذا وقد جاء الحديث فيه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما انت فقال هنا ما سال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني il a pas demandé sur la personne qui est douée de science لكن سال عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم Et les sifat, les caractéristiques, c'est une chose qui est ghayr alim. Tamam? Il dit en gros là, et son avis est là, basbihi. En gros, il dit, ma, tu l'utilises que pourquoi? Les ghayr alim. Amos hadith là, comment il a compris et comment il l'a interprété? Il a dit là, cette personne-là, il n'est pas venu pour demander combien tu. Sa personne en elle-même. Sa personne en elle-même. Il a demandé les sifat. En vérité, quand il dit ma anta ay ma sifatuka. C'est là tu peux comprendre ça le ma anta par ma sifatuka. Et sifa c'est quelque chose qui est al-alam. Fa khilafihi. Ala kulli hal que tu l'utilises pour l'alim ou ghayr alim, celui qui l'utilise pour les deux, qui sache que la généralité c'est quoi? C'est pourquoi? Lorsque tu utilises ma c'est pour l'alim. Wa qad yustakhdam. Amma celui qui voit مثلا que c'est tu utilises que ma pour l'alim, خلاص انتهينا. Et tu dis man pour l'alim ba'da. Fi khilaf wa la bas. Vas-y. Allez inchallah. Tafadhal. Ant. Enam. Ma hadha. Je lis ou je lis. Tu lis. Ma hadha. Hadha baytun. Ahadha baytun. Na'am. Hadha baytun. Tamam. Seconde chose, afwan, qabla hadha. Al-an a. Utiliser « a » هنا. تمام ما هذا. Lorsqu'une chose tu ne la connais pas, tu peux utiliser ma lorsqu'elle est غير عالم. تمام. Et tu peux utiliser aussi une autre particule qui est a. Au fait, il y a un farq entre les deux. Au fait, lorsqu'il dit ma هذا, il y en a la chose qui est démontrée, il la connaît pas. Il ignore qu'est-ce que c'est quelque chose. Amma lorsqu'il dit a هذا بيتون, il se doute. أما هذا ما يعرف تماما إيش هذا يعني ما حقيقة هذا الشيء سكوت شو أما لفظي هذا بيت يعرف البيت لكن يريد تأكد هل هذا هو ذاك الذي في ذهنه بيت celui-là il y a un احتمال يعني il est dans le chat contre deux choses ou plusieurs أما هذا il a pas de chat il est ignorant il ne sait pas ce que c'est ما هذا تمام فلا بس يعني نضيف على هذا بعد الماء تمام يعني الماء الآن يعني يستخدم لحقيقة الشيء لمعرفة حقيقة الشيء كان يجهله si vous l'écrivez c'est bien c'est pas mal ça تمام تمام ويستخدم لمعرفة الشيء الذي يجهله يعني إذا employé pour une chose dont tu ignores tu veux connaître cette chose là que tu es en train de que tu ignores ما هذا والآ حرف استفهام يستخدم لتعيين ما هو محتمل عنده الآن متشكك بين شيئين هذا بيت أو هذا جبل هذا بيت هذا قصر il a un choc il veut que tu en aies ce choc là donc il pose la question أما si jamais tu ignores une chose tu peux pas dire rien tu ignores cette chose là tu dis هذا مثلا هذا جوال لا si jamais tu ignores tu peux pas dire هذا وجه ما هذا أما il y a un doute هذا جوال أو حاسوب c'est un calculatrice ou bien c'est il utilise un parce qu'il y a une chose il y a une, c'est probable que ce soit ça ou ça il ne sait pas il ignore كرسي نعم تفضل علي هذا مفتاح لا هذا قلم ما هذا هذا نجم تمام والان زاد عليه lorsque toi tu réponds مثلا بما و أ ou lorsque tu vas répondre à la question qui est posée par ما ou أ ما هذا تمام tu peux pas dire لا هذا كذا كذا عرفت؟ je dis ما هذا c'est à dire j'ignore cette chose là je suis pas en train de te demander est-ce que c'est ça ou ça pour que tu me répondes par oui ou par non tu dois lui répondre directement تمام ما هذا هذا بيت tu veux pas dire la personne qui dit ما هذا tu dis لا هذا بيت je suis ignorant tu vois je t'ai pas dit que c'est ça ou ça تمام ما هذا tu dis directement ما هو حقيقة ذلك الشيء هذا مصباح تمام ما كان يعرفها يعرفه ما هذا مصباح مصباح سي لوميير تمام هذا مصباح الى ان دوت محتمل عنده الان تقول له نعم سي جامي سون اون او نو سي با لا هذا شمع سي بوجي نعم هذا مصباح تمام فالفرق بينهما يعني كذلك يعني من حيث شو الجواب par rapport au jawab. Lorsque tu utilises a, hadha, tu dois répondre par naham amla. Naham, ma'ruf, yani harf nafi, naham, harf yani ijab, yani affirmative, wa, on écrit, vous voulez qu'on écrit ça? Naham amla, ah. C'est harf ijab. Tamam, wa la, harf nafi. Tamam, harf nafi, wa kad yakun harf nahi. Yani, pour interdire une chose, tu utilises. Mais là, c'est plus pour la négation. Fahada huwa, yani, مثلا تقول تكتب ومن الفوارق بسم الله ومن الفوارق يعني parmi les différences بين entre ما و أ الاستفهامين qui sont utilisés les deux pour l'interrogation c'est quoi la différence entre les deux أن ما يجاب عنه c'est quoi la différence entre le waw et le a utilisé pour l'interrogation al-istifham yani كلاهما استفهام استفهام مع استفهام استفهامان ها en fait là يعني pourquoi là c'est le مثنى c'est le duel là pourquoi on a utilisé le duel parce que celui-là et celui-là c'est utilisé pour les tu peux pas dire ma wa wa alif al istifham al istifhamain parce que ça et ça amma anna man ou ma يجب عنه بحقيقة هذا الشيء الذي تسأله يعني tu réponds يجب يعني tu réponds lorsque tu utilises ma tu réponds en fonction de la chose qu'on t'a demandé بحقيقة هذا الشيء يعني par la véritable identité de ces choses là يعني que t'as demandé là, sur laquelle tu te poses la question ما هذا هذا سب وهذه سبورة الذي تسأل عنه وأما فيجاب لدو هذا تقد فيجاب عنه لنفي أو إث بادي ما تسأل عنه إما بي نعم أو إما بي لا. c'est soit tu réponds par négation soit par affirmation. tu dis comment l'affirmation? إثبات أو إيجاب. tu veux dire les deux. يعني تثبت شيء يعني تفهم. والنفي négation. أيوة نعم. l'affirmation et la négation. La ilah, négation, illallah, affirmation. La, harf, nafin, wa na'am, harf, ijab. Allez, on poursuit la lecture. Et tamarine, vous le faites. Hein. Tout ce qui est écrit tamarine, c'est pour vous. Ou c'est écrit tamarine. Tamarine, c'est exercice. Allez. Hada. ما هذا بدو؟ ما هذا؟ هذا مسجد. من هذا؟ عياش بدو سي. هذا تاجر. تمام من سلام من شوز كو ما صوف كي سيكوا للعالم. تمام؟ ان شاء الله لا بزون غيكي. ويكري ومام. هذا كلب. خلاص. بعدك؟ هذا هذا هذا كلب لا هذا قط لماذا الان استخدم ا هنا بقول لا توجد ا لا قد ما هذا هنا بقول لا قد ما يعني ان الشك في ايوا المقاله ما لا قد ما هذا حتى يعني الدليل كي متشكك فيه سي كي ا كلب اما lorsque tu dis ما هذا il peut pas dire ما هذا كلب لا ما يتاتى تمام فلذلك هنا استخدم ا لان في شك سان شا وان شا هذا كلب لا هذا قط سان شا تمام بعدين هذه لا الاسلام هذا هذا حمار بعدين نعم نعم بعد هذا اخي هذا هذا هذا حمار لا هذا حصان حصان تمام فوكابولار تي لي كونكور بور توس ها فصون لي بتيت فوتو ا كوتي ما هذه بعد هذا هذا جمل ما هذا بوكو لا باتيزي هنا هذا جمل لان ما يعرف ما هو هذا فلذلك حققة ذلك الشيء ما يعرفه لذلك قال ما هذا هذا جمل هل يجوز أن أجاب عن هذا السؤال أقول لا هذا أو نعم هذا كذا لا لا يجوز بعدين ما هذا ديك ما هذا هذا ديك ديك لا تمن شدة غالي غالي من هذا لا شو ما بقيس من هذا هذا مدرس. نعم. بعدك. هذا قميص. جاوب. لا، هذا منديل. منديل. ساموش وقت تمام. فهذا هو درس اليوم. يسبازي سور. أولا سور هذا. On a vu que la هنا للتنبيه. والتنبيه قد يعني يستخدم أو نعم لشخص كان غافلا عما تتكلم فيه أو متنبها له لكن تريد أن يزداد انتباهه له في ذلك الكلام. compris? En gros, soit tu l'utilises pour une personne. Ça va être une définition chaude avant. C'est vrai? Pour un tout petit peu. Non, au pire des cas, comprends-la en français. On va grandir notre kiff d'une charme. Mais pourquoi moi j'ai pas envie de l'écrire en. En français. لا لا لا. حتى الكلمة إن شاء الله c'est كل ما يعني نتقدم وكل ما سخفف الفرنسية. Parce que le seul but c'est cours d'arabe. Si je continue à parler en français. On peut pas tout expliquer de façon française. Non. Les choses. مثلا moi au début en France j'ai un cahier comme ça dans la mosquée de Médine, la mosquée de Sartreville. J'ai écrit maintenant Abu Hara, j'ai traduit aussi. Le père des chatons. Ça ne se traduit pas d'autre comme ça, tu vois. Tu laisses comme ça. J'ai voulu vraiment traduire, tu vois. Tu laisses comme ça, tu vois. Et des fois, je rentrais dans la grammaire française, tu vois. Mathalan, je ne sais plus c'était quoi, avec le Mansoub, ils appellent, je ne sais plus comment ils traduisent ça en français. Tu vois, c'est un truc dans la grammaire française. Il faut que tu sois déjà calé dans la grammaire française, tu vois. Donc, le but, ce n'est pas d'apprendre la grammaire française. Ah, ouais. C'est-à-dire, toi, tu le fais montrer. Et tu me fais comprendre pas. Donc on a vu le ha, yustakhdam li shakhsin mutanabbihan aw ghayr mutanabbih, tamam? Wa dha ismu isharah wa ismu isharah yani ma huwa ismu isharah huwa ma dalla ala muta'ayyan bi wasitati isharah, imma hissiyya, chose que tu vois, que tu peux montrer avec ta main, une canne et autre, ou imma ma'nawiyya, chose qu'on voit pas, comme on a pu dire la pensée. Tu peux yani toucher ila dhalika shay lakin ma yara. Tamam? Tu peux pas dire hadha fikrun, tu le vois pas. Tamam? On a dit وَكَذَلِكَ يُسْتَخْدَمْ لِيَشْ لِلْمُفَرَدِ الْمُذَكَّرِ الْقَرِيبِ يعني pour la personne يعني ou la chose qui est masculin, singulier et proche. Tu utilises يعني لِلْعَالِمْ وَغَيْرَ عَالِمْ. J'ai oublié de notifier ça. لِلْعَالِمْ وَغَيْرَ عَالِمْ. Tu peux dire هَذَا رَجُلٌ comme tu peux dire هَذَا بَيْتٌ. Tu peux utiliser pour ça et pour ça. Ce n'est pas spécifique à un objet ou bien spécifique à un être humain. Tu peux utiliser les deux. Ensuite on a vu مَا. On a pu voir, c'est ism istifham lil ghayr al-alim. Lakin, il y a un khilaf, tu peux l'utiliser kadalika lil alim. Kama fi al-hadith, ma anta wa ba'dhum qalu la. Wa man lil alim. Tu n'utilises pas, yani, lil ghayr al-alim. Tu peux dire, man hada. Tamam, man hada. Ça, je crois qu'il y a un ittifaq, que tu ne peux pas dire pour une chose qui est un objet, man hada. Ma hada. Ama hada, ma anta. Yajuz, ya al-hadith. On a vu كذلك A. Le A, يعني اسم استفهام أو حرف استفهام للعالم وغير العالم كذلك. ويدخل في الجملة الاسمية والجملة كي تسمى اسمية. A هذا بيت. تمام. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله كما في حديث أسامة. أقتلته. يعني سارون dans une phrase nominale comme une phrase verbale. أقتلت هذا بعد أن قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كما في الآية. يعني ça peut rentrer dans une phrase nominale ou verbale. هذا بيت. Il n'y a pas de verbe là. تمام. كذلك. Ça rentre pour montrer que ça rentre dans ça et ça. تمام. Et on a dit la différence qu'il y a entre les deux, entre ها أو ما et A. ما يعني يجاب عنه عن حقيقة ذلك الشيء. أما هذا يجاب عنه بلا و أو نعم. Parce qu'on demande une chose, يعني هو متشكك فيه. يعني محتمل عنده أنه كذا وكذا لا يعرف يقول ما هذا يعني عين لي. Qu'est-ce que c'est? Et lui, après, سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. مع تحية دماج.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي.